Peut-être tu ris de ma peine. Tremble pour l'objet de tes feux, tremble en ta grotte souterraine. Je descendrai sous les flots, et sans perdre en vain sanglots, le transport jaloux qui me guide, ma voix de sang javelot sur ton sein palpitant. Percera le perfide. Ciel, que viens-je d'entendre éclairer mon malheur? Mais car une injuste douleur peut-être il y a